Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par M. l'abbé Riche. Comment un saint frère, après avoir lu, dans la légende de saint François, le chapitre des sacrés saints stigmates, pria Dieu avec tant de ferveur de lui faire connaître les paroles secrètes du séraphin, que le saint vint enfin les lui révéler lui-même. Une autre fois, un pieux et saint frère lisant, dans la légende de saint François, le chapitre de sacrés saints stigmates, se mit à penser avec une grande anxiété d'esprit quelles pouvaient être ces paroles, secrètes, que le saint avait entendu de la bouche du séraphin, et qu'il n'avait jamais voulu répéter à personne pendant sa vie. Il se dit alors en lui-même, « Saint François refusait de faire connaître ses paroles pendant qu'il vivait, mais, maintenant qu'il est mort, peut-être les révélerait-il si on l'en sollicitait avec ferveur. » Et dès lors il se mit à prier Dieu et le bienheureux François qu'il leur plût de faire cette révélation. Enfin voici comment il fut exaucé, après avoir persévéré 8 ans dans cette demande. Un jour, qu'après le repas, il avait récité les grâces dans l'église, il s'y retira seul à l'écart et se mit en prière, implorant Dieu et saint François avec larmes et avec plus de ferveur encore qu'à l'ordinaire. Mais en ce moment un frère vient l'appeler et lui commande, de la part du gardien, de l'accompagner à la ville pour quelque affaire du couvent. Le pieux frère, ne doutant pas que l'obéissance ne fût plus méritoire devant Dieu que la prière, obéit aussitôt et suivit le frère qui le demandait. Alors, pour l'en récompenser, Dieu lui accorda ce que de longues années de prière n'avaient encore pu lui obtenir. Au moment où les deux frères sortaient du couvent, ils rencontrèrent deux religieux étrangers qui paraissaient venir de loin. L'un d'eux était jeune encore, l'autre, âgé et maigre, et tous deux étaient mouillés et couverts de boue. Touché de compassion à la vue de ces voyageurs, l'obéissant frère dit à son compagnon, « Frère bien-aimé, si l'affaire pour laquelle nous sortons pouvait se remettre un peu, vous voyez que ces étrangers ont besoin d'une charitable réception. Je vous prierai donc de me permettre d'aller d'abord au couvent pour leur laver les pieds. Je les laverai à ce frère âgé qui en a plus grand besoin. Vous rendriez le même service au jeune frère, et nous repartirions ensuite pour nos affaires. » Le frère consentit à la bienveillante proposition de son compagnon. Tous deux rentrèrent aussitôt, reçurent charitablement les étrangers et les conduisirent à la cuisine, près du feu, afin qu'ils puissent s'y réchauffer et se sécher. 8 frères se trouvaient alors autour du foyer. Lorsque les voyageurs se furent un peu réchauffés, les 2 frères, selon qu'ils en étaient convenus, les tirèrent à part pour leur laver les pieds. Au moment où le pieux et obéissant frère lavait ceux du vieillard et retirait la boue dont ils étaient couverts, tout à coup il voit les sacrés saints stigmates. Aussitôt, plein d'étonnement et de joie, il les embrasse affectueusement et s'écrie, « Oui, ou bien vous êtes Jésus-Christ lui-même, ou vous êtes saint François. » À ces paroles, les frères qui étaient autour du foyer se lèvent précipitamment, accourent et contemplent avec un respect mêlé de frayeur ces plaies à jamais glorieuses. Le vieillard, cédant à leurs prières, leur permet de les examiner, de les toucher et de les baser, et, les voyant au comble de l'étonnement et de la joie, il leur dit, « Ne doutez pas et ne craignez pas, ô mes bien chers frères et mes enfants. Je suis votre père saint François, celui à qui Dieu a donné de fonder les 3 ordres. Il y a 8 ans que ce frère, qui me lave les pieds, me prie de lui révéler les paroles secrètes que le séraphin m'a dites au moment où il me donna les stigmates, et que je n'ai jamais voulu répéter pendant ma vie. Aujourd'hui, en particulier, il m'en a prié avec plus de ferveur que jamais, et maintenant, pour le récompenser de sa persévérance et de l'obéissance dont il a fait preuve, en quittant les douceurs de la contemplation, Dieu m'envoie lui révéler en votre présence ce qu'il désire connaître. À ces mots, saint François, se tournant vers ce frère, lui dit, « Sache donc, mon très cher frère, que, me trouvant, sur la montagne de l'Alverne, entièrement absorbé dans le souvenir de la passion du Sauveur, lui-même vint imprimer sur mon corps les stigmates que je porte, et il me dit, « Pour que tu sois mon gonfalonier, je t'ai donné les stigmates qui sont les marques de ma passion, et de même que, le jour de ma mort, je suis descendu au limbe, et qu'en vertu de mes plaies, j'en ai retiré toutes les âmes qui s'y trouvaient pour les conduire ensuite au paradis, quand tu auras quitté la terre, tous les ans, le jour de l'anniversaire de ta mort, je t'accorde aussi de pouvoir descendre au purgatoire, et, par la vertu de tes stigmates, d'en retirer toutes les âmes de tes trois ordres, des mineurs, des sœurs et des continents, et même de tous les autres qui auront eu pour toi une grande dévotion et que tu trouveras dans ce lieu d'expiation, tu les introduiras toi-même au paradis. Voilà les paroles que je n'ai jamais voulu répéter pendant ma vie. À ces mots, saint François et son compagnon disparurent. Dans la suite, les huit frères racontèrent à un grand nombre de leurs compagnons l'apparition dont ils avaient été témoins, et la révélation qui avait été faite en leur présence. Comment saint François, après sa mort, apparut à frère Jean de l'Alverne, au moment où il était en prière. Saint François apparut, un jour, sur la sainte montagne à frère Jean de l'Alverne, homme d'une grande sainteté, au moment où il était en prière, et il s'entretint longtemps avec lui. Lorsqu'il fut sur le point de le quitter, il lui dit, « Que désires-tu de moi maintenant ? Parle, je suis prêt à tout accorder. » « Père, dit frère Jean, il y a longtemps que je souhaite savoir ce que vous faisiez et l'endroit où vous vous trouviez lorsque le séraphin vous apparut. Si vous daignez me faire connaître ces choses ?» Saint François lui répondit, « Je priais à l'endroit même où s'élève maintenant la chapelle du comte Simon de Batifolles, et je demandais de grâce à Monseigneur Jésus-Christ, celle de ressentir, autant qu'il était possible, pendant ma vie, dans mon âme et dans mon corps, la douleur qu'il avait éprouvée lui-même au moment de sa passion, et celle de ressentir aussi, dans mon cœur, cet amour excessif dont il était embrasé et qu'il avait porté à souffrir volontiers, pour l'expiation de nos péchés, tant d'horribles tourments. En ce moment, Dieu me fit connaître qu'il m'accorderait d'éprouver l'une et l'autre, autant que le pouvait une créature, et cette promesse fut en effet accomplie par l'impression des stigmates que je reçus bientôt. Frère Jean demanda ensuite au saint si les paroles secrètes du séraphin étaient véritablement celles que rapportait le frère dont nous nous avons parlé, et qui disait les avoir entendues de sa propre bouche, lui et huit de ses compagnons. Saint François répondit que ce frère avait dit la vérité. Enhardi alors par sa condescendance, le frère prit encore la liberté de lui dire, « Ô Père, je vous en prie, laissez-moi voir et baiser vos sacrés et glorieux stigmates, ce n'est pas que je doute de leur réalité, je ne vous demande cette faveur que pour ma consolation, car c'est un désir que j'ai toujours éprouvé. » Le saint consentit avec bonté à satisfaire le frère, et lui présenta familièrement ses plaies à baiser. Enfin frère Jean lui dit encore, « Père, quelle fut la consolation qu'éprouva votre âme, Lorsque vous vîtes le Christ jamais béni descendre vers vous et vous donner les marques de sa très sainte passion, aussi Dieu daignait m'en faire ressentir quelque chose. Vois-tu ces clous? Lui demanda saint François. Oui, Père, répondit frère Jean. Eh bien, reprit le saint, touche encore une fois celui qui se trouve dans cette main. Le frère y porta les doigts avec une respectueuse crainte, et aussitôt une odeur suave s'en échappa, c'était comme un nuage d'encens qui, le pénétrant tout entier, remplissait son âme et son corps d'une telle douceur qu'il se sentit ravi en extase et devint comme insensible. Il demeura dans cet état depuis l'heure de tierce jusqu'à vêpres. Frère Jean ne raconta d'abord qu'à son confesseur cette vision et l'entretien familier qu'il avait eu avec saint François. Ce ne fut qu'au moment de sa mort qu'il en fit part à plusieurs de ses compagnons. Du saint frère qui reconnut, dans une étonnante vision, un de ses compagnons, mort quelque temps auparavant. Un pieux et saint frère de la province de Rome eut un jour l'étonnante vision que nous allons raconter. On venait d'inhumer, à l'entrée du chapitre, un de ses plus chers compagnons, mort la nuit précédente. Le jour des obsèques, après dîner, au moment où les frères étaient allés prendre leur repos, il se retira dans un coin du chapitre, et pria Dieu et saint François avec larmes pour l'âme de son ami défunt. Soudain un bruit se fait entendre dans le cloître, le frère regarde avec effroi vers la tombe de son compagnon, il aperçoit, à l'entrée du chapitre, saint François et, derrière lui, une multitude de frères rangés autour du tombeau. Il examine plus attentivement, et il voit, au milieu du cloître, une grande flamme, et, au milieu de cette flamme, l'âme de son ami défunt. Enfin il aperçoit Jésus-Christ suivi d'une nombreuse troupe d'anges et de saints qui tournaient autour du cloître. Il regardait, et son âme était frappée de stupeur. Bientôt il voit le Christ passer près du chapitre, et aussitôt saint François tomber à genoux avec ses frères en s'écriant « Je vous en prie, ô mon très cher Père et Seigneur, par cette infinie charité que vous avez témoignée pour les hommes dans votre incarnation, ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère qui brûle dans cette flamme. » Le Christ passa et ne répondit point. Une seconde fois, il revint près du chapitre, et saint François de tomber à genoux de nouveau devant lui, avec ses frères, et de lui dire « Ô mon miséricordieux Père et Seigneur, je vous en prie, par cette infinie charité que vous avez témoignée pour les hommes en mourant sur le bois de la croix, ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère. » Le Christ passa et ne répondit point. Enfin une troisième fois il se trouve près du chapitre. Alors saint François, se prosternant encore, lui montre ses pieds, ses mains et son côté, et lui dit « Seigneur, Père miséricordieux, je vous en conjure par cette vive douleur et cette ineffable consolation que j'ai éprouvée lorsque vous avez imprimé ces sacrés stigmates sur mon corps. » Ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère qui brûle dans les flammes du purgatoire. Au prodige, à peine le saint eut-il fait cette prière qu'aussitôt Jésus-Christ s'arrête, regarde ses stigmates et lui dit, c'est en vertu de tes mérites, François, que je t'accorde l'âme de ton frère. C'est ainsi que Dieu voulut honorer les glorieuses plaies du séraphique François et lui montrer que, selon la promesse qu'il en avait reçue du Christ sur l'Alverne, il n'y avait pas de moyen plus efficace pour délivrer du purgatoire les âmes de ses frères et les conduire au ciel, que la vertu de ses saints et sacrés stigmates. À peine le Christ eut-il répondu, qu'aussitôt le feu du cloître disparut, L'âme du défunt alla rejoindre Saint François, et se réunissant au Sauveur, l'escorte bienheureuse, à la suite de son roi triomphant, retourna vers les cieux. Le frère ressentit une grande joie de la délivrance de son ami et du bonheur dont il jouissait. Il fit à ses compagnons le récit de la vision qu'il en avait eue, et tous ensemble rendirent à Dieu louange et remerciement. Comment un noble chevalier fut assuré de la mort et des sacrés saints stigmates de Saint François, pour lequel il avait une grande dévotion. Un noble chevalier de Massa de Saint-Pierre, nommé Landolf, qui avait une grande dévotion pour Saint François, fut assuré de sa mort et de ses glorieux stigmates de la manière que nous allons raconter. Au moment où le saint était sur le point de mourir, le démon prit possession d'une femme de Castello et la tourmenta cruellement. Il la faisait parler avec tant de subtilité, que les savants et les hommes de lettres qui venaient disputer avec elle étaient toujours vaincus par ses raisonnements. Il la quitta pendant 2 jours, mais ce ne fut que pour revenir la torturer ensuite avec plus de violence que jamais. Landolf ayant entendu parler de cette femme, alla la trouver et demanda au démon ce qu'il avait engagé à se retirer d'elle pour la tourmenter ensuite plus cruellement. « Quand je l'abandonnais, répondit l'esprit mauvais, c'est que moi et ceux des miens qui se trouvent dans cette contrée, nous avions réuni tous nos efforts à l'occasion de la mort du mendiant François. Nous voulions lui disputer son âme et nous en emparer, mais elle était environnée et protégée par une multitude d'anges qui nous surpassaient de beaucoup et qui la conduisirent droit au ciel. Nous avons donc été forcés de nous retirer tout confus, et c'est pourquoi je me dédommage maintenant du repos que j'avais accordé pendant 2 jours à cette misérable. » Alors Landolf somma le démon, de la part de Dieu, de lui dire, en vérité, ce qui en était de la sainteté de Saint François, qu'il disait mort, et de celle de Saint Claire qui était encore en vie. « Que je le veuille ou non, répondit l'esprit infernal, il faut bien que je dise la vérité. Écoute donc, les péchés du monde avaient tellement excité la colère du Très-Haut, qu'il semblait que bientôt il allait prononcer contre tous les hommes la sentence définitive, et les exterminer, s'ils ne se hâtaient de faire pénitence. Mais alors le Christ intercéda pour les pécheurs, promit à son père de renouveler sa vie et sa passion dans un homme, qui fut François le pauvre et le mendiant, et il lui représenta que cet homme, par sa doctrine et ses exemples, ramènerait une multitude d'âmes dans les voies de la vérité et de la pénitence. Et puis, pour montrer au monde ce qu'il avait produit en Saint François, le Christ voulut que les stigmates de sa passion, dont il l'avait honoré pendant sa vie, puissent être revus et touchés, à sa mort, par un grand nombre de personnes. De son côté, la mère du Christ promit aussi de renouveler sa pureté virginale et son humilité dans une femme qui fut sœur Claire, cette vierge dont les exemples devaient arracher encore tant de milliers d'âmes de nos mains. C'est ainsi que la colère de Dieu le Père s'apaisa, et qu'il ajourna la sentence définitive qu'il était prêt à porter. Voulant s'assurer si le démon, ce père du mensonge, lui avait dit la vérité, surtout en ce qui concernait la mort de Saint François, Landolf envoya à Sainte Marie des anges de ses fidèles serviteurs, avec ordre de prendre les plus exactes informations sur ce qu'il désirait connaître. Lorsqu'il fut assis, le messager reconnut la vérité de tout ce que son maître avait appris, et retournant vers lui, il lui rapporta que Saint François était vraiment mort au jour et à l'heure précise que le démon lui avait indiqué. Comment le pape Grégoire IX fut assuré de la réalité des stigmates de Saint François, sur lesquels il avait eu quelques doutes auparavant. Laissant maintenant de côté les autres miracles des sacrés saints stigmates de saint François, qui se trouvent rapportés dans sa légende, nous terminerons cette considération en disant que le pape Grégoire IX avait cependant encore quelques doutes sur la plaie du côté, comme il l'avoua lui-même dans la suite. Or, une nuit, le saint lui apparut et la lui découvrit, en soulevant un peu le bras, puis il lui demanda une fiole, la lui fit placer sous la plaie, et il semblait au pape qu'un sang mêlé d'os en échappait, et que la fiole en était toute remplie. Dès lors il ne lui resta plus aucun doute. Plus tard, de l'avis de tous les cardinaux, il approuva solennellement la dévotion au sacré stigmate de saint François, et donna une bulle qui confirmait les frères mineurs dans les privilèges qu'il leur accordait à ce sujet. Il délivra cette bulle à Viterbe, dans la 11e année de son pontificat, et, l'année suivante, il en rendit une autre plus avantageuse encore. Après lui, les papes Nicolas III et Alexandre V accordèrent aussi à l'ordre de saint François de grands privilèges, en vertu desquels on pouvait traiter comme hérétiques tous ceux qui nieraient la réalité des sacrés stigmates de son bienheureux instituteur. Voilà ce qui regarde la cinquième considération des glorieuses plaies de notre Père saint François. Dieu nous fasse la grâce de l'imiter ici-bas, et de mériter, par la vertu de ses saints et sacrés stigmates, de partager un jour avec lui la gloire du paradis. À la louange de Jésus-Christ et du petit pauvre saint François. Amen. Markem Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.